Depuis la mort de Marie, les rapports déjà passablement tendus entre le père et le fils s'étaient encore aggravés. Bernard, l'enfant gâté et coléreux, peu enclin aux concessions paternelles, reprochait souvent à son géniteur une conduite désinvolte du vivant de sa mère, et surtout ses longues absences, pas toujours justifiées par le travail. Marcel avait été sonné des mois durant. Il peinait à reprendre le dessus, et sans réels efforts, s'était trouvé une conduite exemplaire. Il avait rompu sans embâche et définitivement avec ses anciennes habitudes, expédié sans ménagement copines et conquêtes qui n'avaient rien compris. On le revoyait à la cantine, même s'il n'avait guère d'appétit. Il ne quittait plus les foyers, jouant des après-midi entiers à la belote coinchée ou au rami avec les copains. Les jours de repos, il errait longtemps dans le dépôt de machines où sa bonne Marie avait travaillé quelque temps autrefois. Et puis, l'heure de la retraite avait sonné, et Marcel, désemparé, avait peu à peu sombré dans une profonde solitude jusqu'au jour où un genou, fort en gueule, lui avait dit devant tout le monde en croyant épater la galerie. « Dis donc, Marcel, depuis que tu es en retraite, on ne t'a jamais vu aussi souvent au dépôt. »